Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale du groupe Academia. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Et voici l'album Viagra. On va remettre les vanilles à l'heure. Yeah. Kambala, la valeur sûre. Camarade, oh, l'homme se forme par la peine et risqué seul vous libère du désespoir. Petit amour, ma bien-aimée, pourquoi moi n'y t'aime, n'y m'a faux qui tourne à ta rami, la motambo na yo. Eh, Zalie, Bolingue, Yemi, Poula, Tempongi, ma bena malamouba, Kobongi, Saka, Sena, Maloba, mon polo et appellation de gradé, Basoufou, Babotina, Bango, Bata, Chiké, Basakila. Faculté protestante. Et bon, on a ici quoi la peine. Ma bon, on a ici l'écologie. Ban Académie. Bino Bouébigarax. Naina. Les Viangor dans London City. Boyoka. Mokolo ya Mokese. Narcisse Mbemba. Mokolo ya Mokopone Sala Zero. Papilla Kouami Colon. Lunga le boss, c'est le boss. Mozart Kenge, Bazala Ke, Siko Munduti, Yema Babongo Limite Malelo. Bébé à ma chita, le grand Godouane à Lyon. Aïma Koudila ya ye, bébé. Oh, oh Yama Koudila ya ye, bébé. Bébé Lega ma Koudila. Oh, ya papa ma Koudila. Alino Kouzaza ma Koudila. Serge Yama Yama. Oh, ya la gala mama, Koubala. Blanchard Ibana. Oh, ya la gala morin, c'est bien moi, Koubala. Les garçons sont là, c'est tout ma Fikila. Jacques Nalon, Moninga, Rivango, Mo, Chez. Bisanga. Imbriné la bounzi. Chabora Yakuza Me ba niño so fudelenga Abe ba dudulu Ana so ayo so tala Ye mo di kola Oso so la pise se ayo pe Mwili kabuya Imagina yo yada motye wapye Elo maswa kuma tse kongo jaze Le PDG pe mo pepe Ansel Medikawa Ambassadeur Remos Ariane Fumo Nyanga la kata na ba bonne manière. Jika katuku ya mabia. Yabe la koufle Wilima Indombe. Tukukumbe la ona stratégie ya discipline militaire. Oto! Mukuba kwa Alexi wa wina. Abari kani? Libala bosengo. Monika ya dome on blandine na matasa. Natali Mokondo ya Rashidi Mbiavanga. Fortuna Rufino, Janine Jangando. Susana Robanga, Makoko Maya Kampongo. Maya.

La mienne, c'est ton amour que je porte dans mon cœur. La belle de belle, ma néné Oya Clova de London. Oh, chérie de tous les jours. Oni no timelinga maloba na ma voisin. Kala ma weza la tope si mwa mwa wye. Baza de me mijire. Si c'est tomba la sirence. Manita se que tiene la viola. bébé Nico, Ingrata Paloma Blanca, Batou Adampo le tonnerre. Vieux Kibwangé, na maman Charlotte Kobina Zemboyo. Pétrolier finance au guitare, il pèse lourd. Ça. La vie est une école et l'amour en est une leçon. Oui, ça pour ma sœur à ma airbag, et ma petite à love story. Du jour. Yangai bongo, ure yangai bongo ye, yangai motema ye tongina basi siye. Talane e komiko pesanga ye moto basi. Talane e komiko troublenga ye moli mongo. Amo yangana yo, etikalise ya bandoto e ye jirwa bongo. Eva malako. Natika liawa loko la naufrage ya masu wezinda Ngamwana mamo, natika li elo kumpamba jilbamo Natika li nanga zero Jean-Luc Mwambo Esolo wema, yobo sani maso maleka Epana mbayi, ezala kinda kwa bolo kutu Bavula tuvandi, ezala kipe ya bote Yo kangi motema Zinzela yo kena yo Kosaliwa Kongo ye banani ya kolela yo ye Kota boloko Kongo ye banana zana maona yo ye Kasipona etere Eko ye banana danele Yo senga kinga bolingo Na kapela kiyo motema mwangai Ya koso misa Si mapende yo kenena yo ye Soki yo kangi motema Kome katejo koso ngilangai Soki yo zongi bae bako Soki yo ekipe ipungi Jilba bo mwambo, eko zala vrema kota Ajou trezor, eko zala sonina mi sonde abato O dada dadena Le patron au grand fati, Sami Saxe de Kimpia Bébé Miradi, ya Angel Alemba Oh solo vrema, yo bo sanima somaleka E panangai, e zala kina kwa bolo kote Bambula tovandi, ezala kipe ya bumbute Yo kangi motema, yo zinzela yo kena yo Kosa liwa, bongo ye banani ya kolela yo ye Kota boloko, bongo ye banana zana maona yo ye Kasi pone entere, eko ye banana danele Yo senga kinga polingo, na kapela kiyo motema mwanga Ya koso nisa, si mapende yo kenena yo ye Soki yo kangi motema kome katenju kosongela ngai Soki yo zongi baye bako saki yo ekipe poli Jibabo mwambo, eko zala vrema kota Ajil trezor, eko sala soni na misonde ya bato Zozo Bekiki mamo zibye, Ilma de London Jipe Tingombay Ya flow Yoko mama mote machile bako Ive makamu Baso yeba kamana sali reso Toto katuko Nakata babwale yo kolunganga Bona mikisa yo bongi mobima mama venene Charlie Dangya Salayo La voix de lumière Tiki nga vraiment dengue Bolingwango e komi wange Elanga toloni elongo nga ina yo mama Bolingwango yo tobete la kitolo Yo moto bapara bae baki yo sa fiancé na la mama Ye ye ye Bae la yo testi akarashika Mais tantan bini sa ma piense Koutoupe bambo inga bambuye Oh banga Bolingwango Et au tiki nga na nzela Destination banito Le portato yo kanaki Kousala mori unai yunga Oye ko change chemin Na tango masu e lingaki Ebe talo seba boko mnyo Ni na tango zoki mokano Anaka pinga Yako tika nga na esa Nga eza nyata nzete Yako bomba nga fula la moi Nako mimi telenga no ngara Komi mwane manito la nagule la nani Spencer na Switzerland Tala mwese likolo mikonga la mama Miko bele la bolingo sambela Ngaite ya kato matelongo Mazili mazili ye Yobo mama mote mashile babo Gouverneur Tamba Kasyo ye baka mana sali reso Sipul Mercedes Nasa taba mwale oko lukanga Wana bikisa yo Wane koza la kota président Fondo a combiné un zemo yo Napoli ne sait que maman l'homme protection Costa lo mata yaya fido le bouka buya papa chandi ni sa bia pepe yasika Didier Lusala José Mulato salon top star en Londres GG Moutete là Boucherie Claude Dakar Katela ma moi mon sonité papa Star le tachito mokalo, maître Edith. kiti na bilo banda kaba lumi mamona kayote. Lukolo koma na kresa sika na lani yoti na kufa. Ona sako banga yoko mamu kila sala elisungu lisato. Kwe maboli ngoya nganayo suka kaka mapo ya kumuofumu uyan. Ebongi towiza na sheri. Bruxelles, ça c'est Bril tout seul. Café ou capi et pas y'a maïdaï. Ou y'a papote. Y'a pas l'académie. Nenette Samoussi. La pisanga elo jashika. Sourire songe la tabana. Mais son pibe bon a koma. Defase babi minga mousse sarakate. O balet en chia motinga boye. Tako ya koko mambe sike. Mouna yonkou. Sanga bote manayo Silva Mbuku, Mama Sara. La tisanga elo nga sika. Sourire zonge la mama. Mesongi bebo na koma. Depase bate gino mote sara kate. Obale tarchi a moti na boye. Na boye a poko mame sike puna yo mama. Sanga bote manayo. Oye angai mote matila mansiosa. Ah. Hey, papa Lutumba Simaro Masia. Yo kabana ya Joslik ya Mokota. Ya Jo Le vien nombe au Betum. Keba Soki yo banza kaboli ngo nango eze lindeli otoe. Kora kita Koko ya ba kaboli ngo mama o simisa na mokiete. Shakisa yo soya na refe ya lindi yo na mokiete. Sakre mize le banale ya maso. Magui Simon, c'est Peggy Simon. Yes, tu es pas à la bonne langue, c'est l'île de l'Iotoma. Comme moi, Baka, Okenda, aussi mis à la mauviette, Rita, Bola, Kion, la ville est flamboyante. Yebisa eme vila, Yebisa baboti, bameko change, Jules Dicando, la rue Kati, Claude Malo, Banabi. Maïna la tamaka, misigno, c'est pas l'yé, l'yé, l'yé, l'yé, l'yé, l'yé, l'yé, Bongole la ka, consolation, et pas l'yé, dona, ambisi, et papa, Yosa, concert, Zazali, Yosa, Yosa, Yosa, Yosa, Yosa, Yosa, Yosa, Yosa, Yosa, Yosa, Yosa, Yosa, Patricia Lumumba kisinga lele una lingo bolingo ya begle na kwenye utabula na sandi ya mapa na moto bola lei sabana lupe balos apati mama amu kubiki le masele kalongo ati nongo yipa kide wa zongo papa eske ko change na zali problem zali sistema demokrasi jipika kite me papa apa bobo bobo Johnny Coma Bolane Gigi Kakatou Mabia Docteur Bossem Bobi Nana Malili Na Montréal Prof Antonio Papa na Glenn Socrate Bible Maïna Et Abisote Malou Lamanda Kabasene et Dima Sidia. Docteur, ministre, commissaire, tu es une monnaie et moi j'en suis la valeur. Soko zingo kakika, soko zinga te, ba mama chateau rouge bolo belaye, zéro papa. Shiga shiga vi kitolo kamo. Boninganate. Ade! A vous! Oh, les alicates américains. Ma! Portez! Eric Bamba, ticket Bamba T. La médor au clavier. Ma petite à village, Mete, hein. Yolan Maïmona, Sinakala, Papa Narate. Bébé Minoucha, Evelyne Kabasele. Boyo Kamba. Eh, Kiki Touré, Pandel, Nelson Club. Mosungina ngabo sala maso malekaki instant l'air. Dieu évite ce qui fait de Samuel. Lipa Sanangae, Gidron Ibala. Lipa Sanangae, Lubumba Okita, Lodemonia Coccinel, Pascal Oya Choka, Chirac. Pour la pisanga nenge ba kodina kalo pour l'académie, appelez-moi le marabout. Batimou Benga, le créateur de Rota, papa ton beaufort, Jean-Jacques Romolo. Batimi si elle est à la salle, la paix dans la voix, photo Caroline. Rachidi Koupa. Batimi Rana Yeta, salade Batio la mana. Félicat du papa de Sony. Donc, il y aura la salle. Patibas, Lugaru, Kangabangona, Mokila, Gazembiana, José Bonenge, Richman, Ansi, Le Sel, Odette, Wabwe, Tiwensa, Mapalanka, Fan Club, Charlemagne. Mane, Apolino, Marame, Lipe, Mayo, Pe, Marama, Eko, Fungola, Eko, Kea, Zambé, Pe, Sola, Eko, Pata, Sangona, Apolino, Tonton, Lupikina, ¡Gracias! Ma gloire s'enfuit là. Kabangu, Jean 120 na Rotterdam. L'universel papi Masita. Ah, dimeraste. Na gomiolela, na chez Pichu Makutila. Sabalumbu yenanye. Diane Météo et Nanou Moses. Est-ce que vous avez un papa? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله نحمد ونصلي على خلق السماوات ملوكو لنغا قوسكا بني للو كنجي لنغي مانيكي أمنا لنغي أنا بنا يو ماما ناچين تسامي جاجا Gampo, maman à Steven, Sira Diallo. Souci à Koyan à maman pour la vendredi. Pomo Balina, Kanaka, cause la vie de Vita Kenda. Yakota Naye, Kikumbi, Mosika, Naeva Kate. Souci à Zangalina, Soussoumo pour la samedi. Chaden et Telema, mon bébé Tambola, Telema Tokende. Sabwe bona motote Mimi la la na liboso na nga bato ba salaka tala na simana nga moto mokote lenge nini na komi ko sala bona lenge la mama na komi ko lele pa lufosa balosa ya melanga ya kolobela nga nini ya kolobela nga seti ya kolobela nga Moukanya les grands Moukwantombolo, Olivier Moukoulayangia, na maman Rebecca Lumumba, Willy Pansu, Doris, Mimi Katoukou Mosiki à Donatella, Mère Véro, Harmonica la chancelière de l'or, Maître et Bobo Vandame, Chéri les grands Yakuza. Florent qui est les grands vietnamiens, Colette Kakala, maman a rendu, Mami Moloba, Mignonne Vichérera, Ojima Sasa Papi.